Incredible and fresh. Already. Je lance mes beats, je parle en sacré dans l'immédiat, RAP des médias. Je suis dans l'under, ma peur, c'est carré et la hardeur qui me frappe. Nom de code sur le terrain, c'est M. Landers. Yo, passe-moi un ballon que je te fume de trois que mes. Ça fait en original que ma marine vient graffer. La langue française est trop riche, donc c'est sans moi pour être sur le déco, appeler les miches. Actif, réactif au mic, au bic, viens dans mes nicks, à feuilleter le kick. Et je polémique sur nos vies, session sans bleu. C'est sympa, chaîne des 3 MC qui poussent ensemble. Je reste vrai, me ressemble, rassemble autant que je peux. Car qui la foule sur scène une pelouse. En provenance du PC, c'est le 2E. Deuxième qui statue en fouille-fouille-queue. Comprendront seulement quelques types. J'en place une pour mon numéro 20 et toute mon équipe. Une parenthèse de plus.